Chapitre 7e, le maître et le serviteur. En dépit des soins du docteur, en dépit des soins qu'elle prenait d'elle-même, Jenny ne se rétablissait pas. Elle se sentait devenir de plus en plus faible. Elle sentait que peu à peu et d'une façon presque insensible, ses forces l'abandonnaient. Ce n'était qu'en se reportant en arrière la fin de la semaine, en se rappelant que 7 jours auparavant elle pouvait faire ceci ou cela, et qu'il ne lui était plus possible de le faire à présent, qu'elle s'apercevait combien elle était changée. Elle luttait avec énergie contre la perte journalière de ses forces, car elle semblait avoir une indicible horreur de se voir confinée dans sa chambre. Mais enfin, elle fut vaincue et garda complètement le lit. Une femme de chambre lui donnait des soins et lui apportait ses médicaments qu'elle se versait elle-même. Son mari venait dans sa chambre plusieurs fois par jour pour s'informer de sa santé. Il lui apportait des piles de romans pris dans un cabinet de lecture d'une ville voisine, mais il continuait à n'avoir pas l'air d'attacher une grande importance à sa maladie et était tellement occupé de la ferme qu'il ne pouvait que rarement rester longtemps auprès d'elle. Elle avait l'habitude de demander tous les matins si Ralph s'en allait ce jour-là. On lui répondait toujours que non, mais qu'il partirait dans 1 jour ou 2 au plus tard. Une fois, après avoir reçu cette réponse, elle tourna la tête avec impatience sur son oreiller et le visage vers le mur et elle fondit en larmes. « Jenny, mais qu'avez-vous ? » lui demanda son mari. Elle ne répondit point, mais il put voir que son corps délicat était agité de sanglots. « Jenny, je veux savoir ce que ceci signifie. » Elle souleva sa tête de dessus l'oreiller, s'appuya sur son coude et écartant ses cheveux épars sur son visage en larmes, elle lui dit d'un ton grave « Dudley, la présence de cet homme me tue jour après jour, heure après heure. Enfermé dans cette chambre, je ne puis le voir. Mais je sens qu'une invisible influence abrège mon existence, et cette influence, c'est la sienne. Si vous n'êtes point son esclave, si vous n'êtes point lié à lui par un lien trop horrible pour être rompu, renvoyez-le de cette maison, ou si j'en crois assez de force pour me traîner dehors, j'en sortirai moi-même. » Jenny, Jenny, c'est un caprice de malade. Ne me donnez pas lieu de penser que vous êtes aussi folle qu'Agnès. Dudley, voulez-vous renvoyer cet homme? Puisque vous êtes si folle, oui, il partira ce soir. Elle lui tendit sa petite main amaigrie en souriant. Faites cela, Dudley, dit-elle, et je croirai que vous m'aimez. Quelque chose dans le ton de sa voix, dans la triste expression de son visage, toucha la nature froide et peu démonstrative de son mari. Dudley la pressa soudainement sur son cœur et, cachant sa figure sur son épaule, il sanglota tout haut. « Oh, ma pauvre petite femme, dit-il, que deviendrons-nous? Qu'allons-nous devenir? Dudley, Dudley, ne pleurez point, vous m'effrayez, vous me faites du chagrin. » Il se leva de sa chaise placée auprès du lit et essuya les larmes de ses yeux. « Je suis fou, Jenny, car je vous fais de la peine, ainsi qu'à moi, mais rassurez-vous, Ralph partira ce soir. Comme il y a un Dieu au ciel, il partira ce soir. » Il sortit de la chambre. On était près de la fin de février. Il y avait eu de la pluie depuis plus d'une semaine, et ce jour-là même, elle fouettait contre les fenêtres de la chambre de Jenny. Au dehors, le ciel était bas et triste, et le vent sifflait dans le long corridor à l'extérieur. Jenny trouva ses romans bien stupides. Les volumes étaient trop lourds pour elle. Ils s'échappaient de ses faibles mains puis glissaient, de dessus la couverture, par terre. Elle resta pendant des heures à écouter tous les bruits de la maison, les domestiques qui, de temps en temps, traversaient la salle au-dessous, l'ouverture ou la fermeture d'une porte, le tintement des pendules et l'aboiement du chien de garde dans les communs derrière l'habitation. La journée était longue et triste, et la maladie aspirait au crépuscule d'hiver et à la servante qui lui apportait son thé. « Qui s'occupe de faire mon thé, Marie ?» demanda Jenny, pendant que la jeune fille préparait tout ce qu'il fallait sur une table auprès du lit. « Moi, madame. » « Et personne d'autre que vous n'y touche ?»« Personne d'autre que je sache, madame. » »« Je laisse la théière sous le fourneau lorsque le thé est dedans, afin qu'il se fasse. » »« Je sors quelquefois de la cuisine, mais je ne crois pas que personne y touche. » « Ralph est-il souvent dans la cuisine ?»« Oui, il y est souvent aussi. Le temps est trop mauvais pour qu'il puisse s'occuper dans la ferme et il est très utile à l'intérieur de la maison. » Une demi-heure après, lorsque la fille vint pour enlever le plateau, elle vit qu'on n'avait pas touché au thé et sa maîtresse lui dit d'enlever le service, attendu qu'elle n'avait ni envie de boire ni de manger. La pluie continue et monotone paraissait à Jenny comme si elle devait inonder la ferme grise cette soirée-là. Un vent glacial passait sous la porte et agitait les plis des lourds rideaux de damas entourant le lit. Les châssis des fenêtres craquaient de temps en temps comme si une main furieuse les secouait au dehors. La lampe à abat-jour placée auprès du lit laissait les coins de la chambre dans l'obscurité et l'imagination affaiblie de Jenny croyait apercevoir les yeux brillants de l'intendant la regardant dans l'ombre. « Oh, quel triste et lugubre endroit » répéta-t-elle plusieurs fois de suite. « Pour que Dudley me laisse-t-il ici mourir seul ?» Elle pouvait voir son visage dans une glace ovale suspendue le long du mur en face de son lit. Le reflet terne dans l'épaisseur de cette glace lui montrait une figure maigre, pâle et tirée, avec des yeux creux et brillants de fièvre. Cela lui semblait extraordinaire et elle trembla de reconnaître que c'était la sienne. « Je ressemblerai à cette affreuse image dans mon cercueil, » dit-elle, « excepté que mes yeux seront fermés. » 11 heures sonnèrent avant que son mari vînt dans sa chambre. Il avait couché, depuis la maladie de Jenny, dans un appartement contigu au sien. Dans le cours de la soirée, il était tombé plusieurs fois dans un assoupissement fiévreux et ne pouvait s'empêcher de croire qu'elle avait dormi pendant des heures entières et que la nuit ne fut très avancée. Comme la pendule sonnait 11 heures, elle s'endormit de nouveau, mais son repos fut troublé par de mauvais rêves. Elle rêva qu'elle était sur le bord de l'eau, la pluie tombant sur sa tête découverte et ruisselant sur sa légère toilette de nuit. Elle attendait Dudley, comme elle l'avait attendu la nuit du retour de l'intendant. Tout à coup, elle s'aperçut qu'elle avait un enfant dans les bras, un pauvre et malheureux enfant qui s'attachait convulsivement à elle, et, tordant ses petites mains dans la dentelle autour de sa gorge, avait l'air de vouloir l'étrangler. Elle s'efforça de se dégager, mais l'enfant pesait sur elle d'un poids énorme qui la forçait presque à se courber vers la terre. La pluie qui la frappait au visage l'aveuglait. Ses pieds nus glissaient sur le bord de la rivière. Le faible vagissement de l'enfant se changea en un cri aigu de terreur. Elle s'éveilla avec une sueur froide coulant de son front. Pour entendre l'horloge d'Aulnay carillonner un quart. Elle entendit aussi dans la direction des chambres des domestiques le même vagissement plaintif d'un enfant qu'elle avait entendu dans son rêve. Que signifiait tout ceci? Il n'y avait point d'enfant dans la ferme grise. Il n'en avait jamais existé depuis son mariage. On disait la maison hantée par les esprits. Elle avait entendu raconter une douzaine d'histoires de fantômes qui se rattachaient à cette triste habitation, mais elle en avait ri, les regardant comme absurdes. Cependant, si l'une de ces histoires était véritable, un désir étrange, fou, de se heurter contre la terreur superstitieuse, si toutefois il y avait terreur, s'empara d'elle. Elle se glissa hors de son lit, s'enveloppa dans un châle et se faufila dans le corridor. Elle était si faible qu'elle pouvait à peine se soutenir, mais elle avança en s'appuyant sur les murs et parvint à atteindre le palier de l'escalier principal, du côté opposé à celui où se trouvait une porte qui communique avec les chambres des domestiques. Cette porte était mince et elle put entendre que les cris de l'enfant partaient de l'autre côté. Elle passa dans le corridor de service et le son la dirigea vers le petit cabinet qui avait été occupé autrefois par Alf et sa sœur. On voyait une lumière sous la porte de cette chambre par le trou d'une serrure qui avait été grossièrement taillée dans le bois. Il n'y avait jamais eu de serrure à la porte qui n'était fermée que par un loquet et un verrou en fer. Elle put entendre le vagissement lent et faible de l'enfant et la voix d'une femme essayant de le faire dormir. Elle tomba sur ses genoux, en haut du petit escalier qui conduisait à la porte, et regarda par le trou de la serrure. Son mari était assis, écrivant à une petite table, à la lueur d'une chandelle. Derrière sa chaise et regardant par-dessus son épaule pendant qu'il écrivait, se tenait Ralph. Une femme, vêtue d'une robe noire et d'un épais châle gris, était assise auprès de la petite cheminée, tenant un enfant dans ses bras, un enfant chétif, pâle et délicat, qui poussait un vagissement continu. La femme avait ôté son chapeau et l'avait suspendu au dossier de la chaise par les rubans. Jenny reconnut cette femme à sa ressemblance avec l'intendant, peut-être sa sœur Marthe, l'ancienne gouvernante de Dudley. Aucun des trois ne proférait une parole. et le silence n'était interrompu que par le grincement de la plume de Dudley sur le papier et les gémissements étouffés de l'enfant. Lorsque la plume de Dudley fut arrivée au bas de la page, il s'arrêta, jeta un regard sur ce qu'il avait écrit, puis il signa de son nom. « Maintenant votre signature comme témoin, » dit-il en passant la plume à Ralph. « Je ne signerai point, » répondit l'intendant. « Pourquoi cela ? Parce que je vous répète encore que je ne veux pas. Avez-vous lu ? Oui. Vous laissez cette ferme à votre fils et héritier légitime, Dudley Carleon Jr., qui pleure là sur les genoux de sa mère, votre femme légitime, Marthe Carleon. Vous laissez cette propriété à l'enfant de ma sœur, à condition que nous renoncerons à toute espèce de réclamation à votre adresse, que nous garderons le secret et que vous partirez pour l'Australie avec cette jeune femme blonde qui se fait appeler votre femme. Je vous répète que je ne signerai point. Ce n'est pas assez. Je veux la ferme, mais je veux aussi de l'argent pour améliorer la ferme. Je veux ces 3 000 livres sterling et je les aurai, sinon rien. » 3 000 livres ? Jenny répéta machinalement ces mots avec un frémissement. C'était sa fortune, sans aucun doute, que cet homme voulait. Sa fortune qui, si elle mourait sans enfant, reviendrait à Dudley. La femme assise auprès du feu ne tourna pas la tête pendant ce court dialogue. Dudley prit sa figure dans ses mains, en poussant un gémissement, et laissa tomber son front sur le papier placé devant lui. L'intendant Ralph, debout derrière son maître, frappa sur la table avec son poing fermé et dit « Écoutez, monsieur Carleon, reportez-vous un peu en arrière, à 4 ou 5 ans environ. Alors que vous étiez jeune homme sortant du collège et que votre frère Martin vivait encore et se portait bien. Il était robuste et promettait de faire de plus vieux os que vous. Vous vous rappelez que vous vous promeniez tristement dans la propriété, l'air malheureux et voulant paraître heureux, ce qui ne faisait que vous donner l'aspect encore plus chagrin. Vous rappelez-vous un jour que l'on faisait les foins dans l'une des prairies du bord de l'eau et que vous étiez couché par terre, faisant semblant de lire votre livre? Vous souvenez-vous que je vins soudainement derrière vous et que je vous entendis gémir? Je vous demandais ce que vous aviez et ce qui vous tourmentait l'esprit. Et après beaucoup de paroles, vous me dites que c'était des dettes de collège, dettes que vous n'osiez point avouer à M. Martin, parce qu'il avait déjà été bien bon pour vous et que vous aviez peur du scandale et d'être renvoyé à une foule d'autres choses, que vous aviez de la fierté et que vous vous couperiez la gorge plutôt que de vivre déshonoré. Je vous répondis que j'en étais bien fâché pour vous, et je vous dis que si seulement vous eussiez été le fils aîné, au lieu d'être le cadet, les affaires eussent pu s'arranger facilement, car il eût été très aisé d'emprunter de l'argent sur hypothèque. Nous en reparlâmes de nouveau le lendemain, le surlendemain, le jour suivant, de sorte que nous en parlâmes tous les jours et nous sommes devenus amis, presque égaux. « Soyez maudits !» murmura sourdement Dudley, son visage toujours caché. À la fin du mois, M. Carleon, par une nuit de clair de lune, je fus éveillé par vous, qui étiez auprès de mon lit. Si j'avais jamais cru aux fantômes, j'aurais pu croire que vous en étiez un. Si un spectre est horrible à voir, il ne peut être plus horrible à voir que vous n'étiez ce soir-là. Vous aviez un morceau de papier à la main, sur lequel il y avait une écriture fine et contrefaite, ne ressemblant point à la vôtre. « Ralph, me dites-vous, vous allez à la ville pour le marché demain. Achetez-moi la substance qui est écrite ici chez un droguiste et ne dites à personne pour qui vous la prenez. C'est mot pour mot ce qui se passa entre nous. Je me procurerai la substance le lendemain, mais je dis au commis de droguiste de me donner le double de la quantité écrite sur le papier et de me la livrer en 2 paquets étiquetés cachetés de la même manière, de signer et de mettre la date sur l'un d'eux. La boutique était pleine de monde, ce jour-là étant jour de marché, et le droguiste ne fit pas attention à moi ni à ce que je prenais. Je gardai le paquet qui était signé et daté, et je vous donnai l'autre. Ceci se passait au commencement d'août. M. Carleon mourut le 24 septembre. Eh bien, les choses se passèrent assez tranquillement pendant quelque temps. Vous payâtes vos dettes au moyen d'hypothèques, ce qui fut assez dur jusqu'à ce que la ferme, grâce à mes soins, s'améliora, et tout fut payé. Maintenant, durant tout ce temps, je ne vous ai jamais rien demandé, pas un centime de plus que mes gages, mais c'est extraordinaire que je me sois toujours attendu à gagner quelque chose pour vous avoir servi fidèlement. Servi fidèlement, moi, oui, comme le démon sert ses esclaves. Je vous ai servi fidèlement, quoi qu'il en soit, et je vous dis un jour, « Allons, Monsieur Carleone, vous m'êtes redevable de beaucoup, mais surtout pour avoir été discret. Épousez ma sœur et faites la maîtresse de la ferme grise. » Vous partîtes d'un éclat de rire et me refusâtes. Je pouvais attendre. 3 ans après la mort de votre frère, j'eus avec vous une explication dans cette chambre. Vous m'étendîtes à vos pieds, en me fendant le crâne. Mais 1 mois après, vous épousiez ma sœur. Les bans ayant été publiés à Londres, dans une église des faubourgs. Vous aviez honte de votre femme et honte de ce que vous aviez fait. Aussi, vous l'avez reléguée dans un village de province. Et dès que vous aperçûtes cette jolie demoiselle bouclée, vous m'envoyâtes pour tenir compagnie à ma sœur. Mais je n'étais point si fou que vous pensiez, Monsieur Carleone. J'avais mes espions à Aulnay, et par eux j'avais de vos nouvelles. J'appris votre mariage et je connus le montant de la fortune de votre femme. Mais je pris la résolution d'attendre et de faire tourner les choses à mon avantage. J'attendis 3 ou 4 mois après votre mariage. Puis alors, vous ayant prévenu de vous tenir sur vos gardes, je me mis en route pour me rendre ici et m'occuper de mes affaires. Je trouvai la pauvre demoiselle légèrement indisposée. Depuis lors, elle alla plus mal et hier, j'écrivis à ma sœur pour lui dire d'arriver, car je croyais qu'il était probable qu'elle pourrait faire valoir ses droits avant peu. Dudley souleva sa figure blême, se laissa glisser de dessus sa chaise et tomba aux pieds de l'intendant. « Regardez-moi, » dit-il d'une voix étouffée, « regardez-moi, je suis tellement dégradé et un misérable tellement avili, que je suis à vos genoux, vous demandant votre pitié, non pour moi, mais pour elle. La femme sans défense, que j'ai trompée, sauvez-la, et je vous laisserai cette propriété et tout l'argent que j'ai au monde, sauvez-la, et je quitterai cette maison sans un sou et sans abri, pour mendier mon pain ou mourir de faim, sauvez-la, et il n'y a rien que je ne sois prêt à endurer. Voulez-vous endurer les galères ? Demanda Ralph avec un ricanement. Dudley poussa un gémissement, mais ne répondit point. « Non, je m'y attendais, » dit l'intendant. « À présent, écoutez-moi bien. Laissez-moi tranquille, et je garderai votre secret tant que je vivrai. Mêlez-vous de mes affaires ou essayez de contrecarrer mes plans, et je ferai savoir à tout le monde ce que vous êtes et comment vous avez empoisonné votre frère Martin. » Jenny, anéantie au seuil de la porte, avait entendu toutes les paroles de Ralph, mais à cette horrible accusation, ses sens l'abandonnèrent, et elle roula en bas des marches de l'escalier conduisant au corridor.